moi. Je ne peux imaginer qu'une autre puisse t'aimer plus que moi, mieux que moi. Doudou, je suis à toi. Je ne peux rêver qu'un autre puisse me donner autant d'amour que toi. Reste près de moi, bébé. Ne me quitte pas, bébé. Si tu n'es plus là, je n'y survivrai pas. Prends-moi dans tes bras. Je t'ai tant donné, sans jamais compter. Comment oublier tous ces moments passés? Tu m'as dit la toute première fois et tu m'as séduit. J'ai tout sacrifié